إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc le chef le titre du passage et du point où on est arrivé c'est ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. On va mentionner quelques-unes des preuves qui montrent l'obligation de suivre les salaf al-salih et de s'accrocher ou de suivre leur voie. Yani. Donc on va mentionner quelques-unes de ces preuves. Et pour, yani, je dois vous avertir en même temps que on les a déjà toutes entendues au moins une fois depuis le début de ce dar. Donc, alhamdulillah, c'est un rappel, et en même temps, c'est une sorte de façon de les ancrer bien comme il faut dans notre tête, pour qu'on les apprenne bien comme il faut, pour qu'elles restent dans notre esprit, et qu'elles soient claires. Alhamdulillah. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous d'essayer d'apprendre ces preuves et de les mémoriser. Comme ça, on est capable de les avoir en tête et à n'importe quel moment de les utiliser, inshallah. Donc le premier verset, la première preuve que le cheikh mentionne, il dit « قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إليه فقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الآية وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة سبيلهم وتواعد سبحانه مخالفهم وتواعد مخالفهم بجهنم فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Donc le premier verset, c'est le verset dans Surat Luqman, le verset 15. واتبع سبيل من أناب إليه. Et dans ce verset, ce verset signifie et suit la voie de celui qui se repent à sa Seigneur, c'est-à-dire qui se repent, Allah dit qui se repent à moi. Et dans ce verset, ça s'applique aux Sahaba, puisque chacun d'entre eux était un repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc de suivre la voie des sahaba, des sahaba du messager, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre leur voie et leur trace, et de rester sur cette voie. Et l'imam ibn Qayyim a expliqué ça également, et il a dit chacun des sahaba est un repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala et il est donc obligatoire de suivre sa voie et de suivre sa croyance dans ses paroles, dans ses croyances. Et puis Allah Ta'ala nous a avertis de contredire leur voix. Et il nous a menacé, il a menacé ceux qui contredisent leur voix, qui vont faire à leur voix, de l'enfer, et par l'enfer, il nous a menacé de l'enfer. Dans le verset, dans Sourate An-Nisa, le verset 115, qui dit « وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ » Quiconque fait scission avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après que la vérité, après que la guidance y ait été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants. Dans ce verset, les croyants, c'est-à-dire les premiers croyants, les sahaba, et qui suit la voie autre que la voie des croyants. Alors nous le laissons se détourner comme il s'est détourné. Et nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Après le cheikh dit, وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ça, c'est un verset dans Surah At-Tawbah, le verset 20, dans lequel Allah il a exprimé sa satisfaction et son agrément pour tous ceux qui ont suivi les Sahaba en bien. Et il a expliqué également la promesse d'une récompense énorme pour ceux qui suivent leur voie. Et il dit ça dans ce verset, le verset signifie ceux qui ont précédé les tout premiers parmi les muhajirin, ceux qui ont fait l'hijra, et al-ansar, les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis en bien, Allah est satisfait d'eux, il les a agréés, et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé des jardins sur lesquels coulent les rivières. Et ils y demeureront éternellement. Et ça, c'est le grand succès, ou un succès énorme. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة ورضوان. Donc, de la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala a promis ou à menacer ceux qui suivent autre que leur voie par l'enfer, eh bien il a également promis à ceux qui suivent leur voie qu'ils auront le paradis et qu'ils auront son agrément, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh dit, وَأَمَرَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمَّتَهُ بِأَنْ يَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Rawahu Ahmad wa Abu Daoud. Donc, le chef, il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, ou a ordonné à sa umma de suivre la sunna des khulafa, de ceux qui allaient le succéder après lui, et de suivre leur exemple. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, celui d'entre vous qui vivra après moi, verra beaucoup de discorde. Alors je vous incite et je vous demande de vous accrocher à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et accrochez-vous à ça et mordez dedans avec vos molaires. Et ça, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous montrer avec quelle force on doit s'y accrocher. Et par la suite, il dit, et prenez garde aux nouvelles fabrications, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et prenez garde aux inventions nouvelles dans la religion, car chaque nouvelle invention dans la religion est une bid'a, et chaque bid'a est un égarement. Et c'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Et dans une autre version, ça termine en disant wa kullu dalalatin fil nar, que chaque égarement mène à l'enfer ou au feu. وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم شفدي وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. Donc le chef il mentionne ce hadith qui dit la meilleure génération ou les meilleurs gens sont les gens de ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent, puis celles qui la suivent, puis celles qui la suivent. C'est-à-dire ça, ces générations-là sont les meilleures. Et donc c'est pour nous montrer que les gens qui ont vécu dans ces trois premières générations-là, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, les gens qui ont vécu dans ces trois premières générations-là sont les meilleurs parmi les hommes. Et donc c'est pour ça que c'est important de les prendre comme référence et comme exemple. Le chef il dit par la suite, wa wasafa sallallahu alayhi wa sallam الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن كان على مثل ما كان عليه هو من الفرقة الناجية ومن خالفهم واتبع عنهم أو ابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. الشيخ الذكر للبروفيت صلى الله عليه وسلم a décrit le groupe qui sera sauvé de l'enfer dans le hadith de la division de la Ummah en 93 sectes. Il a décrit le groupe sauvé en disant que c'est le groupe qui sera sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple de ses sahaba. Non, pardon, 73 sectes. Je me suis trompé. Donc le chef dit, donc celui qui sera, qui suivra ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi que ses compagnons, fait partie du groupe sauvé. Tandis que ceux qui les contredit ou qui vient en contradiction avec ceux qui les suivaient et qui s'éloignent de ceux-là, alors il fait partie des gens de la menace. C'est-à-dire des gens qui fait partie des gens de la menace qui méritent l'enfer. على سيد الشيخ الزي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فسكن بعض سلاب من الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه على كذا يدي suivez et ne faites pas d'innovation, c'est-à-dire vous n'avez rien à amener de nouveau, vous avez juste à suivre, car فقد كفيتم, c'est-à-dire ceux qui étaient avant vous, eh bien, ils vous ont épargné de toutes choses. Vous n'avez plus rien à amener de nouveau, tout est déjà là. On vous a déjà amené tout ce que vous deviez avoir à pratiquer et à faire de la religion, tout est établi par le prophète sallam et tout est établi exactement dans l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous n'avez rien à ajouter et rien à amener de nouveau pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour vous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ce que vous avez, il est déjà suffisant pour vous. Faqad kufitum. وقال ابن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فسيت نوتاسيون دو ابن مسعود كي تابي سانت يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نو الحمد لله نصلي ركعتين. للبروفيت صلى الله عليه وسلم الذي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كنت في المسجد، ne t'assois pas tant que tu n'as pas fait deux rak'at. Donc tu dois faire. Allez, vas-y. On attend. Ouais, on attend. Non. On. On est là pour établir la sunna, pour nous encourager à la sunna, à suivre la sunna. Donc on veut pas la contredire, inshallah. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Donc Ibn Mas'ud, il dit, inna naqtadi, wala naqtadi, wala naqtadi, wala naqtadi, wala nabil, ma se mastakna bil atar. Donc ça veut dire, nous, on suit l'exemple. Et on n'essaie pas de commencer quelque chose qui n'a pas été fait avant nous. Et nous suivons et nous n'amenons pas d'innovation. Et on ne va jamais s'égarer tant qu'on s'accroche à ce qui est laissé par les traces et les hadiths et les attards. Tant qu'on suit ça, tant qu'on sait que qu'est-ce qu'on fait a été fait par un salaf, donc on sait qu'on ne va jamais s'égarer. Après le chef il dit « وَقَالَ أُبَيْ إِبْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سنة خير وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Ça, c'est une parole de Ubay ibn Ka'ab, un autre sahabi, qui dit, alaykum bis sabil, je vous incite à suivre la voie et la sunnah. Car il n'y a pas aucun serviteur d'Allah qui suit la sunnah et la voie et qui se rappelle de son créateur, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et que c'est son œil, yani laisse tomber, couler une larme par la crainte d'Allah. Yani, il n'y a aucune personne qui va être dans cette situation-là et que le feu pourra le toucher. Hein? Donc celui qui est sur la sunna et sur la voie et qui pleure par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu ne va pas le toucher. Ça c'est, il y a des hadiths qui expliquent ça aussi. Et le cheikh il dit, et le sahabi il dit, وَإِنَّ اِقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ اِجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ. Donc, il dit que de faire peu d'une sunna et de faire peu de bien, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts dans une chose qui est en contradiction avec la voie et la sunna. Hein? Donc, on voit que beaucoup de gens vont s'épuiser et faire beaucoup d'actes et beaucoup d'œuvres et beaucoup d'efforts sur une chose qui est contraire à la sunna et ils pensent avoir fait un grand bien. Tandis que celui qui est sur la sunna, même s'il fait un peu, le peu qu'il fait, au moins il sait que ça a une valeur et qu'il sera récompensé pour ça. Donc, en réalité aussi, on peut voir que c'est comme si on dit, par exemple, que quelqu'un est sur le mauvais chemin, hein, le mauvais chemin, et il va en courant, ou il va à dos de cheval, au galop, ou bien il est sur le mauvais chemin, mais il roule en voiture, d'accord? Donc, ceux-là vont très très rapidement, ils vont vite, excepté qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Tandis que l'autre, qui est sur le droit chemin, peut-être il marche à quatre pattes, peut-être il se traîne, mais il sait que peu importe, étant donné qu'il est sur le bon chemin, il sait que s'il continue dans cette voie, il arrivera quand même un jour ou l'autre, tôt ou tard, il va arriver au droit chemin et à la bonne destination. C'est ça l'explication de ça, Inch'Allah. Donc c'est pour ça l'importance de savoir que qu'est-ce qu'on fait est en accord avec la sunna. أفضل الشيخ الزي وقال أبو العالية عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. وسألت النصيحة بالإجزام النصيحة كنصلة منهم للسيخ Hein? Et donc ça c'est une des paroles donc, de l'ulama Abul Aliya, un des salafs qui disait, je vous incite à suivre la première chose, la première exemple qui existait avant que les groupes et les sectes existent. Retournez à cette première base, à cette première explication de l'islam. Parce que si vous retournez à ça, vous êtes sûr que vous allez être sur le droit chemin. Et que vous allez comprendre par la suite tout ce qui est contraire à la sunna. Ok? Une autre parole ensuite d'un des grands imams des salafs qui s'appelle Al-Awza'i, l'imam Al-Awza'i. Il dit, اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Ça veut dire, sois patient et endurant sur la sunna, ou force-toi à rester patient ou endurant sur la sunna. Et arrête-toi là où les salafs sont arrêtés. Ne dépasse pas leur pas. Ne passe pas, essaie pas de passer devant eux. Là où ils se sont arrêtés eux, alors arrête-toi toi aussi. Parce que si tu essaies de les dépasser, ou d'aller là où ils ne sont pas allés, ou d'entrer là où ils ne sont pas entrés, tu risques d'entrer dans l'égarement. Et il dit, et dit ce qu'ils ont dit. Hein? Essaie pas d'amener des nouvelles paroles, des nouvelles explications, des nouvelles choses de ta propre tête, mais ce qu'ils ont dit eux, fais juste le répéter. Et tu sais que si tu répètes ce qu'ils ont dit eux, tu peux pas t'égarer. Parce que tu sais que eux, c'était des gens qui étaient sur le droit chemin, qui suivaient la sunna. D'accord? Donc, quand tu vas parler, tu vas répéter ce que eux ont dit. Hein? Et tu vas dire uniquement quelque chose de bien. Tandis que si tu essaies d'amener des nouvelles explications, des paroles de ta propre tête, des nouvelles formulations, des façons d'expliquer les choses à ta propre façon, tu risques d'amener une nouvelle parole, une nouvelle idée, une nouvelle expression qui est contraire à la sunna. Et à cause de, tu vas t'égarer toi-même et tu risques d'égarer d'autres personnes avec toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à l'Azari? Il dit, arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Et suis la voie de tes prédécesseurs pieux. Parce que ce qui leur a suffi à eux, eh bien, c'est certain que ça te suffit à toi. Hein? Si c'était suffisant pour eux, ce qu'ils ont prouvé et ce qu'ils ont suivi, alors c'est certain que c'est suffisant pour toi. Et si tu essaies de chercher et de trouver des détails plus approfondis, ou d'essayer de rentrer dans des choses que eux n'ont pas cherchées, et alors c'est comme si tu dis, qu'est-ce qui les a satisfaits, eux ne te satisfont pas toi. Et là, il y a un problème, puisque ce sont les meilleurs êtres humains de cette foule-là. Hein? Et c'est ça qui arrive lorsqu'une personne ouvre la porte à une bid'ah. Hein? Une personne ouvre une porte à une bid'ah, et ben, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des gens à entrer dans des sujets, et dans des questionnements, et dans des positions que les gens n'ont jamais connues, que les gens n'ont jamais entendues auparavant. Et donc, ça amène des gens à écrire des livres, à commencer à argumenter sur des choses comme ça. Et puis, à la fin, ça fait des divisions, des conflits, des débats, des argumentations. Et ça se développe après, par la suite, en secte et en groupe. C'est comme ça que ça commence. Des fois, une simple parole, et bien, après, ça commence à dévier. Et puis, à cause de ça, les gens s'égarent jusqu'à devenir des sectes. Et des groupes, etc. Et une autre citation que le Cheikh donne aussi, il dit, قَالَ أَيْضًا, c'est-à-dire Al-Awza'i, عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفْ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلِ. Ça c'est une citation aussi qui est en or, yani, on devrait l'écrire en avec de l'encre d'or. Parce qu'elle a tellement de signification. Ça dit, je te conseille de suivre les voies ou les traces des salafs, ou les traces de ceux qui nous ont précédés, même si tous les gens te rejettent à cause de ça. Et je t'incite à je te préviens, ou je t'incite à prendre garde contre les opinions des hommes, même si ils te les embellissent avec leurs paroles. Hein? Donc les gens, ils vont venir essayer de défendre des opinions qui sont contraires à la Sunna, qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et ils vont essayer de te l'embellir avec toutes sortes de discours, toutes sortes d'argumentations, toutes sortes de points, essayer de rationaliser les choses et de donner une certaine logique à leurs idées. Et sache que si quelqu'un essaie d'utiliser un argument soi-disant rationnel pour essayer de contredire le Coran et la Sunna, alors sache qu'il est lui-même la personne la plus irrationnelle qui soit. Et c'est ce qu'il se prétend être musulman. Parce qu'il va en contradiction avec la base même de ce en quoi il est supposé croire, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc s'il a accepté, et si sa raison a accepté la foi en le Coran et la Sunna, alors comment il peut venir par la suite avec cette même raison, venir avec quelque chose qui est contradictoire avec le Coran et la Sunna? Alors là, c'est une preuve d'une personne qui n'a pas de raison, une personne qui n'a aucune logique. Après, le chef il dit, قال الإمام أحمد, الإمام أحمد a dit, وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. Ça c'est un autre exemple des paroles de l'imam Ahmed qu'on a expliqué dans Usul al-Sunna depuis le début. C'était la première phrase dans Usul al-Sunna, dans l'aqidah de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que les fondements de la Sunna, pour nous, Ahlul Sunna, ça signifie de s'accrocher à ce que suivaient les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de les prendre comme exemple et de laisser tomber les bid'ah, les innovations. Le chef dit, وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع أثرهم واتباع أثرهم. Donc le chef dit, et les savants parmi les imams de Ahl al-Sunnah, et c'est-à-dire génération après génération, ils ont toujours, yad'ouna ila tibar et salaf, ils appellent les gens à suivre les salaf as-salih et de prendre leur exemple, hein, et de suivre leur voie et de suivre leur trace. Donc ça c'est la conclusion des preuves que le Cheikh a mentionné comme preuve de l'obligation de suivre les salafs. Maintenant, on arrive à un autre point, et ce point c'est manhaj salaf fil aqida. Ok, donc on va faire ce point. Le chef il dit, يتلخص منهجهم فيما يلي, يعني leur manhaj dans leur méthodologie, la méthodologie des salafs au sujet de l'aqida, de la croyance islamique, elle se résume comme suit. Le chef va mentionner six points. Les six points, et par la suite, il va expliquer certaines caractéristiques de ce manhaj. Donc, les six points, ce sont les six points qui résument la position des salafs en ce qui concerne la croyance islamique. Le chef, il dit, حفرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. ذيك leur méthodologie signifie qu'ils se limitent dans la question des sources desquelles ils extraient leur croyance se limite au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon la compréhension, et leur compréhension des textes est à la lumière de la compréhension des salaf salih. Ça, c'est le premier point. Ils prennent leur aqidah en premier de tout, du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est une chose qui est en contradiction avec ceux qui, par exemple, prennent leur aqidah en premier lieu de la raison, ou de soi-disant la logique. Hein. Deuxièmement, le chef dit, احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت هذه السنة صحيحة متواترة أم آحاد. Deuxième point. Ils prennent comme preuve pour établir cette aqidah la sunna qui est authentique. Peu importe qu'elle soit ahad ou mutawatira. C'est-à-dire, peu importe qu'elle soit ramenée par un nombre très grand de narrateurs, ou bien qu'elle soit rapportée par un ou deux narrateurs, comme dans la chaîne, et tant qu'il est authentique, et le hadith est authentique, ils le prennent. Sans prendre considération ou sans regarder la question du nombre de narrateurs. Et ça vient en contradiction, pour les distinguer de ceux qui ont suivi une autre méthodologie, comme les Mu'tazila et les autres qui les ont suivis et qui croient que ils doivent uniquement prendre les preuves qui sont mutawatir, celles qui sont rapportées par un grand nombre dans la aqidah. Et ça, c'est pas la voie des salaf. الصالح. البروفيت صلى الله عليه وسلم كما نعرفه مانسيني إلى أنبوي معاذ بن جبل أو يمن أنسان صحابي هو أنسيني أسيه هلا سنطا دي مزلما يسي دي جان جميل pour leur enseigner la foi en Allah سبحانه وتعالى et pour leur enseigner la salat et le zakat et le hajj et tout ça. Donc c'est-à-dire une fois qu'il l'avait entendu de معاذ بن جبل c'est devenu obligatoire pour eux de le suivre et de respecter les choses qu'ils avaient entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il était seul. Et ça, c'est une preuve qu'on a accepté la parole d'une personne, même s'il est ahad, même s'il est seul, et tant que la personne est une personne juridique et fiable. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ya ayyuha alladhina amanu » إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ça veut dire, ô les croyants, si une personne pervers vous arrive avec une information, alors vérifiez-la. De crainte que vous faisiez du mal ou du tort à une personne, en ignorant, vous allez faire du tort sans le savoir à une personne et que vous ayez des remords ou des regrets par la suite d'avoir transmis ces paroles ou pris en ces paroles. Donc les ulama de tafsir, ils ont expliqué d'après ce verset que si une personne perverse, si Allah dit que lorsqu'une personne perverse, une personne qui est un pécheur, vient avec une information, on doit vérifier. Ça implique également que si une personne droite est correcte ou juste vient avec une information, on doit l'accepter. Si on n'a pas aucune preuve ou aucune raison de douter en cette parole ou de douter en cette information. D'accord? Et donc ça c'est très important à comprendre. Par la suite, le troisième point que le cheikh a mentionné, il dit التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية وأمور الغيبة التي لا مجال للعقل فيها. Donc le troisième point, c'est de se soumettre à ce qui vient dans la révélation. Et de ne pas rejeter quoi que ce soit de cette révélation par notre raison. et de ne pas essayer de rentrer dans les détails des questions qui font partie de l'invisible. Parce que ce sont des choses que la raison ne peut pas comprendre, ne peut pas essayer d'expliquer non plus. Donc, ça c'est une des caractéristiques de Ahl Sunnah, hein, qui vient en contradiction avec la voix des philosophes, et la voix des Mu'tazila, et la voix des Asha'ira, qui était de rejeter certains des aspects de la croyance en se basant sur une logique quelconque, qui est contraire au Coran et à la Sunna, et qui est contraire à la voix des Salaf al-Salih. Par la suite, le chef il dit, comme quatrième point, « عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة ». Donc, un autre des principes de leur méthodologie, des Salaf, c'est qu'ils ne rentrent jamais dans les questions de « ilm al-kalam » et de « philosophie ». « ilm al-kalam », on a vu, c'est qu'est-ce qu'on peut traduire, si on veut, comme une certaine théologie spéculative, ou bien une sorte de façon d'essayer de comprendre Dieu en se basant sur une certaine logique grecque. Non pas une logique qui est basée sur la fitra, parce que toute personne qui a une fitra qui est propre, il est capable de comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, et qu'il n'a pas besoin pour ça d'étudier en théologie à l'université pendant 3 ans ou 4 ans pour avoir un doctorat pour savoir que Dieu existe, la fitra même du bédouin dans le désert, elle est capable de comprendre cette chose-là, et c'est une logique très simple et une logique naturelle en chaque être humain. Lorsqu'un bédouin lui a demandé comment tu sais que ton créateur existe, il a dit, mais quand je vais dans le désert et que je vois des crottes de chameaux, je sais qu'il y a un chameau qui est passé par ici. Je sais que ces choses-là ne sont pas apparues toutes seules. Et donc, quand je regarde le ciel et la terre et l'univers et tout ça, je sais que ces choses-là ne sont pas créées d'elles-mêmes. Il y a un créateur qui les a créées. Donc, ça c'est très simple, pas compliqué. Pas besoin de rentrer dans toutes sortes de grosses questions, soi-disant philosophiques. Et puis, alhamdoulilah, le cœur est en paix, quand il entend ces choses-là. Tandis que quand tu rentres dans les arguments des gens du kalam et de philosophie, vous voyez que c'est des gens de doute, des gens qui ont plein de doutes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas douter. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. La vérité vient certes de ton Seigneur, alors ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute. C'est une guidance pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'est pas permis pour un mu'min d'avoir un doute en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on témoigne de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on doit témoigner. Comme lorsque on te demande, est-ce que tu vois le soleil dans le ciel? Tu dis oui. Eh bien, c'est la même façon quand on te demande, au sujet de ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois répondre de la même façon, oui. Je crois que c'est Allah existe, mais la ilaha illallah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré autre que lui. Donc ça c'est important. Les gens qui sont entrés dans la philosophie et le kalam, c'est des gens qui, à la fin de leur vie, ont toujours eu des remords d'avoir gaspillé trop de temps et trop d'énergie à avoir étudié ces choses futiles et inutiles. Et la philosophie, il n'y a pas de doute que c'est la plus grande perte de temps que le laïcien n'a jamais connue. Le chef il dit par la suite, pour un cinquième point, « رَفْدُ التَّأْوِيلَ الْبَاطِلِ » de rejeter le ta'wil, c'est batil. Le ta'wil, c'est quoi? Il faut bien comprendre ici que le mot ta'wil, pour les salafs, il avait une signification qui était louable, qui était bien acceptée. C'est-à-dire que pour eux, le ta'wil signifiait uniquement de donner une interprétation. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme dua pour Abdullah ibn Abbas, il a dit, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. C'est-à-dire, oh Allah, donne-lui le fiqh, la compréhension de la religion, et apprends-lui l'explication du Coran. Allimhu at-ta'wil. Donc, le ta'wil, ça veut dire l'interprétation du Coran. Et c'est pour ça que Ibn Jarir al-Tabari, quand il a écrit son ta'wil, son tafsir, il a, à chaque fois quand il parle, il dit, les ulama ont dit au sujet du ta'wil de ce verset, telle chose, et là il mentionne tout ce que les salafs ont dit au sujet de ce verset. Donc, pour les salafs, le mot ta'wil, il n'est qu'un synonyme du mot tafsir. D'accord? Il n'a pas d'autre signification pour eux que le mot tafsir dans ce contexte-là, c'est-à-dire une explication du Coran. Sauf que les khalaf sont arrivés, les gens de Bid'a, Ahlul Kalam, les autres comme Al-Asha'ira, Al-Jahmiya, Al-Asha'ira, Al-Mu'tazila, eux, ils ont utilisé le mot ta'wil, étant donné que c'était un mot qui était accepté par les gens, connu dans la langue arabe, ils ont pris ce mot et lui ont donné un autre sens. Ils ont pris ce mot-là comme signifiant prendre un mot et lui donner un autre sens, autre que le sens qui est donné habituellement dans son contexte. Donc c'est en réalité, pour les gens de Kalam, pour ces gens-là, qu'est-ce que ça signifie le ta'wil? Ça signifie déformer le sens réel d'un mot pour le mettre hors de son contexte, pour le déformer, pour qu'il soit en accord avec leurs principes qu'ils ont établis selon la logique qu'ils ont acceptée. Donc, on a beaucoup d'exemples de ça, comme par exemple le ta'wil qu'ils ont fait au sujet de l'istiwa. Ils ont dit que lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône, eux ils disent que l'istiwa ça ne signifie pas s'élever au-delà du trône, comme l'a dit les salafs comme Ibn Abbas et Mujahid et beaucoup d'autres. Ils ont dit que ça veut dire, lorsqu'on a demandé aux sahabi Abdullah ibn Abbas et Mujahid et d'autres, qu'est-ce que ça signifie le mot istiwa? Il a dit al-istiwa, wa ma'nahu ala wa rtafa'a. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Vous retournez Kitab al-Tawhid dans le livre, dans le Sahih Muslim, et vous allez voir un des chapitres qui parle de ça et qui donne la définition donnée par Ibn Abbas et son élève Mujahid. Ala wa rtafa'a, ça veut dire s'élever et monter au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça c'est la définition des salafs. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, les salafs, les gens qui sont venus après, qui sont venus avec les bid'a, ils ont dit non. Istawa, ça veut dire prendre le pouvoir ou conquérir quelque chose. Donc, c'est ce qu'ils ont donné comme explication ou interprétation, et ça c'est ce qu'on appelle en réalité, par la langue arabe, tahrif. Tahrif, c'est-à-dire déformer complètement le sens du mot. Et donc en arabe, ils ont dit que le mot istawa signifie pas ala wa rtafa'a, mais il signifie istawla. Et istawla, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le pouvoir. C'est comme par exemple, on va dire que il y avait un Saddam Hussein qui dirigeait en Irak. Et bien là, qu'est-ce qui est arrivé? Les États-Unis sont arrivés, ils ont stola sur l'Irak, sur l'Irak. Donc, ils ont pris le pouvoir, ils ont enlevé Saddam Hussein. Ça, c'est un exemple. D'accord? Et donc, eux, ils disent que le mot istawa dans ce verset, c'est ce que ça veut dire, qu'est-ce que les Américains ont fait à Saddam Hussein. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a conquéri le trône. Et ça, ça a une implication fausse, même. Parce que eux, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient dire que, il faut pas dire que Allah est au-delà de son trône, parce que si tu dis ça, ça donne une implication que Dieu est comme sa créature. Hein? Il a des attributs comme sa créature a des attributs. Et donc, en fait, nous on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, plein sa camis ni richey, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, quand il s'élève au-delà de son trône, il s'élève d'une façon qui lui convient et qui n'est pas ressemblant à la façon de sa créature. Toutefois, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il faut nier cet attribut-là, parce que si on l'affirme tel quel, on fait ressembler Allah à sa créature. Donc, on va dire qu'il a conquéri son trône, et staula ala l'arche. Et donc, dans ce cas-là, c'est mieux. Mais là, on leur demande par la suite, on dit, comment vous pouvez dire que c'est mieux, puisque c'est encore pire de prétendre que ça, c'est la signification réelle du verset. Parce que lorsqu'on regarde, qui possédait le trône d'Allah avant qu'il ait pris le pouvoir de son trône? Ça voudrait dire qu'il y avait quelqu'un avant Allah subhanahu wa ta'ala qui avait le pouvoir du trône, et Allah subhanahu wa ta'ala a conquéri ce trône. Et ça, c'est une signification totalement fausse, même. Hein? Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, ces gens-là sont des gens de dalal, et ils suivent leur passion. Étant donné qu'ils suivent leur passion, ils n'ont même pas été capables de comprendre et d'accepter Allah tel qu'il se décrit lui-même, et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et qui connaît mieux Allah que Allah? Hein? Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un exemple de leur ta'wil. Et le ta'wil, dans ce sens-là, comme je vous dis, c'est pas réellement le mot ta'wil, c'est en réalité le mot tahrif, tahrif, déviation. Et une chose aussi, c'est que si ces gens-là prétendent que ce qu'ils font est acceptable, ils doivent apporter une preuve, d'accord? Une preuve, une référence. Lorsqu'une personne amène un ta'wil, prétend qu'il y a un ta'wil, il faut que ce ta'wil soit supporté par le Coran ou par la Sunna, ou bien par une parole des Sahaba ou une preuve de la langue arabe. Et ça, pour les exemples de ta'wil qu'ils ont amenés, ces gens-là, peut-être dans aucun des cas de ta'wil qu'ils ont fait, ils n'ont été capables d'apporter une de ces quatre preuves qu'on a mentionnées pour supporter leur déformation du sens. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas l'accepter. Et on doit le rejeter. D'accord? Donc c'est juste un petit résumé ou une petite introduction ou explication au sujet de ce qu'ils font, eux, comme étant le ta'wil. Et tous les salafs ont rejeté ce qu'ils font. Et lorsqu'ils ont parlé des attributs d'Allah, ils ont dit « Amirruha kama ja'at bila kayf » Prenez-les telles qu'elles sont, comme elles sont venues, sans dire comment et quoi, et poser l'exemple, demander comment sont les attributs d'Allah. C'est interdit de demander le comment des attributs d'Allah. Accessez-les telles qu'elles sont, sans essayer de changer le sens. Hein? Les ulama disent « min ghayri takyifin, wala tahrifin, wala tamthilin, wala ta'til ». Ça, c'est les quatre points qu'on a déjà expliqués, des règles au sujet des attributs d'Allah. Si on cherche le kéfir, c'est plus que c'est bid'a, oui. C'est l'imam Malik aussi. En fait, tous les imams ont dit ça, de ne pas demander le comment. Donc, on va continuer. Le chef il dit le sixième point, al-jam'u bayna al-nusus fi al-mas'alah al-wahida. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'il y a un point, qu'est-ce qu'ils font les salafs quand il y a une question? ils ne prennent pas uniquement un seul verset ou un seul hadith pour comprendre cette question. Ils vont rassembler tous les textes traitent de ce sujet et ils vont les analyser pour arriver au verset et à la conclusion. Contrairement aux gens de Bid'ah qui prennent un verset ou un hadith qui parle d'un sujet, hein, et puis qui laissent tomber les autres hadiths qui expliquent ce même sujet, et donc par la suite, qu'est-ce qui arrive, ils tombent en contradiction. Et ça, c'est l'exemple des gens de Bid'ah comme les Qadariya, les Jabriya, les Sha'ira, les Mu'tazila, les Jahmiya, au sujet du Qadar par exemple, ils prennent un verset qui affirme que Allah a le contrôle de toutes choses, et ils l'utilisent pour nier que l'être humain a une certaine liberté, ou un certain contrôle, ou une certaine volonté, une capacité de faire quelque chose. Et les gens de Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ils vont prendre les versets dans lesquels Allah a affirmé à la création ou à la créature un certain choix et une certaine capacité de faire et de décider et de servir. Alors ils prennent ces versets-là et ils essaient de nier ceux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il est tout-puissant et qu'il contrôle tout. Donc, ça c'est l'exemple de ces gens qui prennent une partie des preuves et qui laissent tomber les autres parties au lieu d'essayer de prendre toutes les références et toutes les preuves qui traitent d'un sujet et d'essayer de les raccommoder ensemble pour essayer de voir le sens global de ce que ces versets et ces hadiths expliquent. Donc, ça c'est la... نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مثل الإمام وسيدة الجيش الله سبحانه وتعالى يزيد عن صورة البقرة est-ce que vous acceptez de croire en une partie du livre et vous rejetez le reste hein? Et donc ça c'est l'exemple des gens de l'égarement. Ils vont prendre un hadith ou un verset qui défend leur position et ils vont cacher les autres versets qui viennent en contradiction avec leur argument, pour essayer de supporter leur désir et leur passion. Pardon? Le bid'a. Non, d'abord, c'est sûr. Si toute personne pour qui ces versets appliquent, et si la menace d'Allah, il mérite ce châtiment, sauf si Allah décide de nous faire miséricorde. Hein? Donc, tout dépend de quelle façon il rejette. S'il rejette avec connaissance, ou s'il rejette. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de. Oui, c'est ça, mais. Non. الحمد لله من سكت للسجن قوي إلى شاهد فهذه العقيدة المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الأهواء والشبه فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة لأنه يعلم أن كل ما فيها أن كل ما فيها حق وصواب. D'accord. Le chef il dit, et celui qui prend cette aqidah telle qu'elle de sa source pure, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en s'éloignant des passions et des doutes, hein, et en s'accrochant à ça, alors il sera parmi les gens qui exalte ou qui élève les textes du Coran et de la Sunna et qui leur donne un respect, car il sait que tout ce qui est dans ces textes ne sont que la vérité et la droiture et le droit chemin. Donc, par exemple, si on regarde juste le point que le cheikh a mentionné comme le numéro 3, de se soumettre à ce qui est venu dans la révélation et de ne rien rejeter de ces révélations en se basant soi-disant sur notre logique. Eh bien, alhamdoulilah, yani, tu vois certains musulmans aujourd'hui, si on leur mentionne un hadith, ils vont commencer à essayer de l'analyser avec des arguments soi-disant logiques pour essayer de le rejeter. Et parmi les gens qu'on appelle les modernistes aujourd'hui, eh bien, ça c'est leur manhaj à eux, ça c'est leur méthodologie. Et ils suivent dans cette voie l'exemple des gens de Bid'a parmi les Mu'tazila et ceux qui nous ont suivis. Comme l'exemple de Muhammad al-Ghazali, si je ne me trompe pas, celui qui vivait le contemporain dans notre siècle. Quand on lui a demandé, yani, parce qu'il a parlé au sujet du hadith, de la mouche. Je ne sais pas si vous avez entendu ce hadith. Ouais, non, c'est pas le hadith. Ça a rapport, le sujet, ça a rapport avec ça, mais c'est pas ça le hadith. Le hadith, bien, je vais vous dire. Le hadith, c'est, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si une mouche tombe dans le verre d'un d'entre vous, alors, qu'il prenne cette mouche et qu'il lance dans l'eau, ou dans le liquide, et qu'il la jette. Parce qu'il y a dans une de ses ailes, il y a le remède et dans l'autre, il y a la maladie. Donc, ça c'est un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit de faire ça. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, c'est Al-Ghazali qui dit à moi si je trouve pas, si je trouve par exemple une mouche dans mon verre, je ne vais pas le boire, yani, je vais le jeter, yani. Et puis, ou bien qu'il a mentionné qu'il préférait croire un médecin aujourd'hui que de croire en ce hadith, hein. Donc, ça, c'est l'exemple de quelqu'un, que lorsqu'on lui mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rejette en se basant sur sa logique. Non, et scientifiquement, comme notre frère nous dit, ça a été prouvé que il y a effectivement le poison et l'antidote dans chaque bête. Il y en a qui a une maladie avec lui, et l'autre ne pense avec lui l'antidote. Hein? Sinon, il ne pourrait pas vivre avec le problème. Donc, c'est ça le malheur de ces gens de Bid'a qui rejettent les hadiths. Il y en a un hadith aussi qui dit par exemple que Moussa avait, si je ne me trompe pas, Moussa avait frappé l'ange de la mort. Et donc, il y a eu certains parmi ces modernistes-là qui ont essayé de critiquer ce hadith, alors qu'il est authentique. Les ulama ont répondu à ces objections-là. Nabi Allah Moussa. Et ils ont dit comment le prophète d'Allah, Moussa peut-il frapper l'ange de la mort de cette façon, yani. Et non, il est authentique dans Sahih al-Bukhari. Et les ulama ont expliqué au sujet de ce hadith qu'il est authentique. Et donc, ils ont réfuté les arguments de ces gens-là qui rejettent le hadith sans se référer aux règles du hadith, sans se retourner à la science du hadith. Les savants du hadith on dit que le hadith est authentique. On se base sur les preuves et les explications établies dans cette science. Alors, quelqu'un ne peut pas venir par la suite et se baser sur sa logique pour essayer de rejeter. Parce que parfois, ces choses-là font partie des choses qui ont rapport avec un rêve, qui ont rapport avec l'invisible. Et toi, tu viens et tu essaies de les comprendre logiquement et tu essaies de les rejeter. Alors que tu rejettes ce qui vient du prophète par Allah, hein? Donc ça c'est un exemple d'égarement de la part de ces gens-là. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Et il y en a parmi ces gens-là qui ont écrit des livres sur ce sujet-là, selon la méthode de l'OJD, Mu'tazila, faut essayer de mettre des doutes et de rejeter les hadiths du Prophète en se basant sur leur logique. Il y a une fondation aux États-Unis qu'on appelle IIIC. IIIC. Elle existe même en France, cet institut-là, parce que j'ai entendu que j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé qu'ils ont une branche même en France. J'ai oublié comment on l'appelle en France. C'est un institut qui appelle à faire revivre la islamisation des sciences, je ne sais pas quoi en tout cas. Et puis vous pouvez aller sur Internet, vous allez sur Google, faites UUUC, et puis vous faites la recherche comme ça. Puis vous allez tomber sur ce site d'égarement. Donc je vous conseille de ne pas le prendre comme référence, mais juste pour vérifier par vous-même. Et ils ont publié les livres de Al-Ghazali et Qardawi, les livres de ce genre, pour essayer de combattre la Sunna. Des gens qui, aux États-Unis, essaient de faire revivre la voie des Mu'tazila et leur méthodologie. Et c'est pas surprenant pourquoi ils se sont basés aux États-Unis. Ouais, ça existe, des gens qui transportent leur même mentalité, leur même idéologie, mais en tant que secte, groupe, il n'existe plus. Sauf qu'il y a beaucoup de groupes parmi les gens bid'a, autres que les, il y en a qui ne s'appellent pas Mu'tazila, mais qui portent leur aqida depuis le temps de Al-Ma'moun jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les Shia, dans les questions de aqida, Asma' Sifat et Qadar, font partie de ces gens-là. Donc ça c'était juste pour vous donner un exemple sur ce point-là, parce que je pense que c'est important, puisque le mouvement moderniste gagne beaucoup de terrain, surtout chez les jeunes, chez les nouveaux convertis, et chez les soi-disant universitaires et amis qui viennent étudier dans les pays de cours, et qui remplissent les universités des pays de cours, et qui ne connaissent pas leur religion comme il faut, et les bases de la compréhension des salafs, alors ils se laissent séduire par ces mouvements modernistes. Donc, aujourd'hui, c'est juste pour vous donner une idée, sauf que ce serait intéressant de voir vraiment d'étudier ça un peu plus de façon approfondie pour analyser. Donc, on va terminer. On va terminer cette partie de ce cours, puis après, on va s'arrêter, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا يهواك فتمزق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. نعم. Donc le Cheikh Al-Imam Al-Barbahari, un des compagnons de l'Imam Ahmad, qui a écrit son livre Sharh Usul Sunnah, l'explication des fondements de la Sunna, il dit: sache que Allah te fasse miséricorde, que la religion elle est venue uniquement que d'Allah, et elle n'a pas été mise pour que les gens en parlent à partir de leurs raisons et de leurs opinions. La connaissance de cette religion vient d'Allah et appartient à Allah et vient de son messager. Alors ne suis rien de ta propre passion dans le but de déchirer ou de diviser cette religion, et puis par la suite, si tu fais ça, tu risques de quitter l'islam. car tu n'as pas de preuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié pour sa umma la sunna, et il l'a clarifié à ses sahaba, et ce sont eux le groupe, ce sont eux al-jama'a, ce sont les sahaba, et ce sont eux qui sont ce qu'on appelle as-salat de l'avam, la grande majorité, ou la grande masse, as-salat de l'avam. Et il dit, et as-salat de l'avam, as-sawad, c'est la noirceur, al-a'zam, c'est quand tu vois une grande masse de personnes, une grande foule à l'horizon ou de loin, ça t'apparaît comme étant une grande masse sombre. Et donc c'est de cette façon-là qu'on les a appelés, as-salat. As-sawad al-a'zam. Et il dit que as-sawad al-a'zam, c'est la vérité et les gens qui suivent la vérité. Voilà la définition de As-Sawad al-Azam. Par la suite, le chef mentionne une autre citation du chef. Il dit « وَقَدْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي صَفْحَةِ 65 من كتاب شرح السنة وَلَفَاتُ الَّذِي تَبَنَّى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة. Donc l'imam al-Barbahari il dit encore, donc ça c'est un des imams qui était très fort dans la sunna, un des imams les plus forts dans la sunna. Il disait, le fondement sur lequel est basé la jama'a, et la jama'a, comme on l'a dit, ce sont les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont eux qui sont les gens de la sunna, ahl sunna wal jama'a. Alors donc, celui qui ne prend pas, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le chef dit, donc celui qui ne prend pas qui ne prend pas sa religion d'eux, alors il s'est égaré d'un égarement évident, et il a innové, et toutes les innovations sont égarements. Yani, demandez à la personne qui prétend, demandez à la personne qui prétend de ne pas suivre les salafs. D'où est-ce que vous avez pris votre religion, C'est impossible de suivre l'islam, excepté si tu prends comme exemple les salafs. Pourquoi? Parce que ce sont les salafs qui ont reçu le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière devant eux, et jeûner, et faire le hajj, et tout ça, Si tu demandais au sahaba, un sahabi, Abu Huraira, supposons que tu vis à l'époque de Abu Huraira, et tu veux savoir comment faire la salat, tu lui dis, ya Abu Huraira, comment je dois faire la salat? Est-ce que vous pensez que Abu Huraira va vous sortir un livre, Kitab al-Fiqh, et on va dire Kitab al-Salah, Bab, Sifat al-Salah? Non. Il va vous dire, voici comment j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'ai vu faire de cette façon, et de cette façon, et telle chose, et tel mouvement, et telle chose, et dans tel mouvement, il disait telle chose, quand il était debout, il récitait tel verset. Quand il faisait le recours, il récitait tel dua. Et quand il se relevait, il plaçait ses mains de telle façon. Et quand il se prosternait, voici comment il se prosternait. C'était comme ça qu'ils ont appris le fiqh. C'est en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en écoutant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment quelqu'un qui vient après eux peut se comparer à eux? Et comment quelqu'un qui vient après eux peut penser qu'il peut suivre l'islam sans suivre l'exemple des sahaba? Impossible. Parce que si tu ne prends pas d'eux, alors de qui tu prends? Tu prends du shaytan. Allah Moustahad. Donc c'est ça l'égarement, mon frère. Ensuite, le chef dit, « Wa qala al-imam al-Barbahari, encore une fois, qala Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, la uzra li ahadim fi dhalalatin ratibaha wa hasibaha huda. ولا في هدى تركه وحسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعل الناس الاتباع. Donc le cheikh il mentionne une autre citation de l'imam al-Barbahari dans laquelle il mentionne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui dit: il n'y a plus d'excuse pour personne qui a suivi une forme d'égarement et qui a cru que c'était une guidance. Et il n'y a pas non plus d'excuse pour celui qui laisse tomber une guidance et qui croit que c'est un égarement, car les choses ont été clarifiées et la preuve a été établie, ou l'excuse a été coupée. Donc il n'y a plus de prétexte, il n'y a plus d'excuse acceptable pour celui qui a suivi l'égarement ou qui a laissé tomber la guidance. Et il dit parce que la sunna et la jama'a ont clarifié la religion en entier et tout ça a été clarifié pour les gens, alors les gens, il ne leur reste plus qu'à suivre. Il ne leur reste plus qu'à suivre, rien d'autre. Et le cheikh il dit, قُلْتُ فَمِنْ مُمَيِّزَاتِ مَنْهَجِ السَّلَفِ. Il va donner des caractéristiques du manhaj du salaf. Et il va en donner 6 caractéristiques. Et on va les mentionner, inshallah, rapidement. Il dit, le premier, la première caractéristique, الأول, ثبات أهل السنة على الحق وعدم تقلبهم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل السنة في أهل الحديث والسنة أضعف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. Donc, Cheikh il dit, la fermeté des gens de la vérité, yani la fermeté des gens qui suivent les salaf sur la vérité, et le fait qu'ils ne font pas, qu'ils ne commencent pas à se retourner et à tourner entre la vérité et le mensonge. Hein? Vous voyez les gens qui suivent les salaf, sont sur la voie des salafs, ils sont très fermes dans la vérité, très fermes sur la religion. Tandis que les gens de Béd'a, vous les voyez toujours en train de changer d'une voie à l'autre, tourner d'une chose à l'autre, d'une Béd'a à l'autre. Hein? Donc ils ne sont pas fermes, ils ne sont pas stables, ils n'ont pas de stabilité dans leur compréhension et dans leur religion. Ils sont constamment dans le doute en train de chercher à trouver la vérité, mais ils ne sont pas capables de la trouver parce qu'ils suivent leur passion. Cheikh il dit, Huzaifa ibn al-Yaman a dit à Abu Mas'ud, l'égarement c'est quoi? C'est que tu acceptes ce que tu rejetais précédemment, ou que tu rejettes ce que tu acceptais, ce que tu aimais, ce que tu acceptais précédemment. Donc, lorsque tout devient mélangé pour toi, à un moment donné, tu vois que quelque chose est la vérité, et puis d'un coup, tu vois que c'est faux. Et là, à un moment donné, tu vois que quelque chose était faux, et maintenant, tu commences à voir que c'est la vérité. Donc, tu commences à tout devient mélangé pour toi. Et ça, c'est ça l'égarement. Et le chef, par la suite, Hudayfa, il dit, وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنْ فِي الدِّينِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٍ. Et prends garde de ne pas te colorer dans ta religion. Hein? C'est quoi se colorer dans ta religion? Eh bien, chaque personne essaie de voir l'islam d'une couleur, à ta couleur à lui. Hein? Un qui veut le voir en rouge, l'autre qui veut le voir en jaune, l'autre qui veut le voir en bleu. Hein? Chacun veut voir l'islam à sa couleur personnelle. Et ça, c'est très dangereux. Mais le chef, il dit, فَإِنَّدِينَ اللَّهِ وَاحِدٍ. La religion d'Allah, c'est une seule religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé un seul islam. Il ne nous a pas laissé deux, trois, quatre cinq islams différents à suivre. Hein? Après, le chef, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, mais en général, la fermeté et la stabilité est chez les gens du hadith et chez les gens de la sunna, il y en a plus grande, il y en a, si on compare par rapport aux gens de la ilm al-kalam et de la philosophie, il y en a leur fermeté et leur stabilité dans la religion, et le dos, il y en a que si on regarde les gens du les gens d'un balal, donc les gens de hadith et de sunna sont les plus fermes, les plus stables. Et également, le cheikh dit, wa ayban, إنما عند عوام المسلمين وعلماء أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. الشيخ يقول سوك لا مشاكل بين المسلمين دون كل علماء أهل السنة والجماعة أن دكانتات دو conviction et de paix de cœur et de fermeté en ce qui concerne la vérité et de paroles fermes et de yani le fait d'être catégorique au sujet de ce qu'ils suivent. C'est une chose que personne, sur laquelle personne ne peut discuter, excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé la logique et la religion. Il lui a enlevé la tête, la raison et la religion. Et ça, c'est une autre citation de Ibn Taymiyyah. Après, le chef dit, parmi les deux, comme deuxième caractéristique, من مميزاته أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. C'est-à-dire que les gens qui suivent la voie des salaf, ils sont tous d'accord sur une même aqida et ils sont jamais en désaccord, peu importe l'époque et peu importe l'endroit sur terre. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Troisièmement, أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها ولذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثر موالاة لأهلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لازم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. Donc c'est ça, le chef il donne comme exemple ici que les gens qui suivent les salafs et le manhaj des salafs sont les gens qui connaissent le mieux les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actions et ses paroles, et ce sont les gens qui connaissent le mieux la distinction entre les hadiths authentiques et ceux qui ne sont pas authentiques, et ce sont les gens qui ont la plus grande amour de la sunna et qui sont les plus ardents dans leur façon de suivre, et ceux qui se rallient le plus aux gens qui suivent la sunna. Et Ibn Taymiyyah a dit au sujet de ça, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus parfaite des créateurs et la plus connaissante au sujet des réalités et qui est la plus droite en parole, alors ça vient en accord avec, ou c'est tout à fait logique par la suite, que ceux qui suivent sa sunna soit qui s'occupent d'étudier tout ce qui a rapport avec sa sunna, soit eux aussi les personnes les plus savantes parmi les autres créatures, et qu'ils soient plus en accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, et qui le suivent encore mieux que toutes les autres créatures. Donc c'est comme pour dire en comparaison. Donc le chef il dit par la suite, et اعتقادكم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. Donc une autre caractéristique de la voie des salaf, c'est yani qu'ils disent que la voie des salaf salih est la meilleure et elle est la plus claire et elle est également la plus c'est celle qui est plus sécuritaire, parce que les gens de Béda, parmi les gens de Kalam, ont dit que la voie des salaf, c'est une voie qui est sécuritaire. C'est-à-dire, elle t'évite de tomber dans l'égarement. Sauf que la voie des khalaf, elle est plus savante et elle est plus organisée, plus spécifique, plus détaillée. Ça, c'est les gens de Ibn Kalam qui ont dit ça. Et lorsqu'ils disent ça, en réalité, ils insultent les khalaf. Parce qu'ils essaient de prétendre que les khalaf, ceux qui sont venus par la suite avec les bid'ah de Ibn Kalam et de philosophie, sont plus savants et plus connaissants de la vérité que les salaf. Hein? Donc, en réalité, ils accusent les salaf d'être ignorants et d'être, des gens qui connaissent pas et qui comprennent pas non plus la religion. Donc, nous, ceux qui suivons la voie des salaf, au contraire, nous disons que la voie des salaf est la plus sauve et la plus savante et la plus, claire et la meilleure. Et Cheikh il mentionne une autre citation de Ibn Taymiyyah. Il dit وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الفرية فقال لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالتكذيب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. Donc Ibn Taymiyyah il dit ils ont menti sur la voie des salaf. Et ils se sont égarés en essayant de dire que la voie des khalaf était meilleure. Alors ils ont rassemblé deux choses. Ils ont rassemblé l'égarement au sujet de la voie des salaf en mentant sur eux. Donc l'ignorance en mentant sur eux. Et l'égarement en disant que la voie des khalaf était meilleure que la voie des salaf. Donc ils ont réuni deux formes d'erreur. La première, c'est l'ignorance, en mentant sur la voie des salaf, en disant que ils n'avaient pas de connaissance. Et ils ont rassemblé également, ou réuni l'égarement, en disant que la voie des salaf était meilleure que celle des salaf. ومن مميزاتهم طعمي لأخ كاركتيرستيك également حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين. طعمي لأخ كاركتيرستيك leur désir ardent de transmettre la croyance correcte et la religion droite, et d'apprendre cette religion aux gens et de leur donner le bon conseil et de réfuter les gens qui l'ont contredit et qui sont nés avec des innovations. D'accord? Donc ça, c'est une des caractéristiques les plus importantes des gens qui suivent la voie des salaf. Et pour terminer, la dernière caractéristique que le chef a mentionnée, c'est « وَسَطِيَّتُهُمْ بَيْنَ الْفِرَقِ » Il y a pour le chef de l'Islam, Ibn Taymiyyah. Donc le chef, il dit, la sixième caractéristique, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit toujours au juste milieu entre les sectes, c'est-à-dire ils sont toujours au milieu et ils évitent toujours les formes d'extrémisme, entre les sectes. Et le cheikh nous dit, il cite la parole de Ibn Taymiyyah qui dit, Ahl al-Sunnah fi al-Islam, qu'Ahl al-Islam bayna al-Milal. La voix des gens de la Sunnah, dans l'Islam ou à l'intérieur de l'Islam, elle est comparable à l'Islam parmi les autres religions d'égarement. Donc, on compare la sunna à l'intérieur même de l'islam, parmi les autres sectes. Donc la sunna est comparable au, par rapport à l'islam et les sectes, à l'islam parmi les autres religions des karmas. Puis Ibn Taymiyyah a dit aussi, فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج. نعم. Donc ça c'est une explication vraiment. Si on l'explique là, il y a un cheikh qui a écrit un volume sur, seulement sur cette explication pour expliquer que les salaf, la voie des salaf, elle est entre les extrêmes dans toutes les sectes, au sujet de toutes les sectes, dans toutes les questions sur lesquelles ont dévié les sectes. Par exemple, ils sont au juste milieu en ce qui concerne les noms d'Allah et ses attributs, entre les gens de Ta'til, comme Al-Jahmiya, qui ont nié les attributs d'Allah, et les gens de Tamthil et Al-Mushabbiha, ceux qui ont dit que Allah est comparable ou est comme sa création. Donc, Ahl-Sunnah, on est entre ces deux-là. On ne nie pas les attributs d'Allah, c'est-à-dire on affirme les attributs d'Allah, mais on nie la ressemblance avec la création, contrairement à l'autre extrême, c'est-à-dire Al-Mushabbiha, qui disent que Allah est semblable à sa création. Donc on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, on affirme ses attributs, il est comme il se décrit lui-même, sauf qu'il ne ressemble pas à sa création. Donc, on est au juste milieu. En ce qui concerne en ce qui concerne la question des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala et du qadar, eh bien, on est au juste milieu entre Al-Qadariya et Al-Jabriya. Al-Qadariya, ceux qui ont nié la prédestination, et Al-Jabriya, ceux qui ont dit que l'être humain n'a aucun choix et aucune capacité de faire ce qu'il veut. Et que tout ce qu'ils font est uniquement ce que Allah, yani, tout ce qu'ils font, ils ne peuvent pas rien faire, et tout ce qu'ils font, c'est Allah qui les force à faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. On est donc, si tu fais un péché, c'est Allah qui te force à le faire, donc il faut que tu acceptes le péché. Ça, c'est la parole de Jabriya. Et Ahl-Sunna, on dit non. On est entre les Qadariya, c'est-à-dire, nous, on affirme Al-Qadar, que tout ce qui nous arrive a été écrit et a été connu par Allah, premièrement, Allah l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu, et tout ce qui existe est sa création. Ça, c'est la position d'Ahl-Sunna. Jabriya, ils ont dit, on n'a pas de volonté. Tout ce qui arrive, c'est, tout ce qu'on fait, c'est uniquement, parce qu'on n'a pas de volonté personnelle, individuelle, on fait uniquement ce que Allah nous force à faire. Même les péchés qu'on fait, on doit les accepter. On n'a pas de volonté personnelle, on est comme une plume qu'on laisse voler dans le vent. Qui nous force à faire ça. Et ça, c'est la position de qui? Des Jahmiya et des Soufiya. Parmi les Soufiya qui croient que non, tout ce qu'ils font est bien. Et qu'il n'y a rien de mal dans ce qu'on fait. L'exemple aussi en ce qui concerne la loi de l'Ouaïd entre Al-Murji'a et Al-Qadariya, en ce qui concerne la menace de l'enfer et tout, donc Al-Murji'a, c'est ceux qui disent que la foi d'une personne, elle est toujours stable et donc il est toujours croyant mais il dit que la foi est dans le cœur, donc peu importe que ce que tu fais, le péché, ça ne diminue jamais ta foi. Et puis donc, toute personne qui dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », peu importe qu'est-ce qu'elle fait par la suite, elle va entrer au paradis. Al-Murji'a. Et Al-Wa'idiyya, c'est-à-dire, comme Al-Qadariyya et d'autres, qui disent que celui qui fait un grand péché, il va aller en enfer, donc, contrairement à Hussein al-Jama'a, qui dit que la foi elle augmente et elle diminue, et celui qui fait un péché, un grand péché, et qui meurt là-dessus, il est croyant, mais avec une foi faible, ou sa foi est incomplète, et pas complète, elle est faible, et puis qu'il mérite le châtiment d'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il peut le pardonner ou le faire entrer au paradis, ou il peut obtenir par sa justice. Et également, les sunna al-jama'a sont entre les groupes qui ont dévié sur la foi, entre les khawarij, les mu'tazila et les murji'a et les jahmiya. Donc on a parlé des murji'a, ceux qui disent que la foi est dans le cœur. Donc, tu dis simple, parce que ce que tu fais comme péché, tu es toujours un croyant, et ta foi est toujours stable. Et tandis que les khawarij ont dit que si tu fais un péché, un grand péché, tu fais des grands péchés, ça y est, khalas, ta foi est complètement annulée, et tu brûles en enfer une éternité. Et on est entre les extrêmes, parmi au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la fitna qui sont arrivés entre eux, entre les rawatib qui ont déclaré tous les sahaba, sar et les khawarij également. Donc on est entre ces groupes là, puis il y a des explications très détaillées de ce sujet là, et là on n'a pas vraiment le temps maintenant d'entrer dans les détails, sauf que, Inch'Allah, bi'idhnillah, on aura l'occasion dans les dours qui vont suivre d'entrer en détail dans tous ces différents points, les différentes questions, pour donner une idée vraiment claire de qu'est-ce que ça signifie ces égarements-là, et comment ils se sont produits et comprendre la position claire de Al-Sunna Wal-Jama'a à ce sujet-là. Il y a un des ulama actuellement qui a écrit un livre sur ça. Mashallah, il a bien expliqué, vraiment bien expliqué. Et le cheikh qui a écrit ce texte, il a beaucoup fait référence à ce livre. Donc c'est juste pour vous dire ça. Le livre s'appelle وسطية أهل السنة بين الفرق. Oui, c'est un arabe. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ouais. Il commence par expliquer les différences ou le juste milieu d'Ahl Sunna parmi les religions. Je donne des exemples parmi les juifs et les chrétiens. Ensuite, il rentre dans les sectes islamiques et il commence à donner des exemples de chacune des questions, comment Al-Sunna a été au juste milieu dans toutes ces divisions là parmi les gens de dedans. Sur le website, c'est ça la question que vous trouvez, c'est sûrement vous allez en trouver, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont détailler. C'est ça. Toutefois, les meilleurs livres qui expliquent ça, il n'y a pas de doute que c'est des livres en arabe. Des livres en arabe. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on va s'arrêter maintenant, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.